Chapitre 19e. Tout en faisant la scène du recruteur, le père du failli avait bu presque à chaque phrase. Il était d'opinion que les paroles coulent mieux quand elles sont humectées. Il aurait pu tout aussi bien les tremper avec de l'eau, mais il en avait horreur, depuis, disait-il, qu'il était tombé à la mer. C'était en 1789 que cet accident lui était arrivé. Aussi advint-il que, moitié parlant, moitié buvant, il s'enivra sans s'en apercevoir. Enfin, il vint un moment où il fut saisi d'une incroyable difficulté de s'exprimer. Il avait ce qu'on appelle la langue épaisse. Ce fut alors que le fourrier et le sergent-major songèrent à se retirer. Dufay et moi nous restâmes seuls. Il s'endormit, se pencha sur la table et se mit à ronfler, pendant qu'en digérant de sang-froid, j'ai été livré à mes réflexions. 3 heures s'étaient écoulées, et il n'avait pas achevé son somme. Quand il se réveilla, il fut tout surpris de voir quelqu'un auprès de lui. Il ne m'aperçut d'abord qu'à travers un épais brouillard qui ne lui permit pas de distinguer mes traits. Insensiblement, cette vapeur se dissipa et il me reconnut. C'était tout ce qu'il pouvait. Il se leva en chancelant, se fit apporter un bol de café noir dans lequel il renversa une salière, avala ce liquide à petites gorgées, et ayant passé son demi-espadon, il se pendit à mon bras en m'entraînant vers la porte. Mon appui lui était on ne peut plus nécessaire. Il était la vigne qui s'attache à l'ormeau. « Tu vas me remorquer, » dit-il, « et moi je te piloterai. » »« Vois-tu le télégraphe ? » »« Qu'est-ce qu'il dit avec ses bras en l'air ?» Il signale que le Dufay est vent dessus, vent dedans. « Le Dufay, mille dieux, navire de 300 tonneaux au moins. Ne t'inquiète pas, il ne perd pas le nord, Dufay. » En même temps, sans me quitter le bras, il retira son chapeau et le posant sur le bout de son doigt, il le fit pirouetter. « Voilà, ma boussole. » « Attention, je retiens la corde du côté de la cocarde. » « Le cap sur la rue des Prêcheurs, en avant-marche !» commanda Dufay, et nous prîmes ensemble le chemin de la basse ville après qu'il se fut recoiffé en tapageur. Dufay m'avait promis un conseil, mais il n'était guère en état de me le donner. J'aurais bien désiré qu'il recouvrât sa raison. Malheureusement, le grand air et le mouvement avaient produit sur lui un effet tout contraire. En descendant la grande rue, il nous fallut entrer dans cette multitude de cabarets dont le séjour de l'armée l'avait peuplé. Partout, nous faisions une station plus ou moins longue que j'avais soin d'abréger le plus possible. Chaque bouchon, selon l'expression de Dufay, était une relâche qu'il était indispensable de visiter et chaque relâche augmentait la charge qu'il avait déjà tant de peine à porter. « Je suis saoul comme un gredin, » me disait-il par intervalle. « Et pourtant, je ne suis pas un gredin, car il n'y a que le gredin qui se saoule, n'est-ce pas, mon ami ?» 20 fois je fus tenté de l'abandonner, mais Dufay à jeun pouvait être ma providence. Je me rappelais sa ceinture pleine, et pour le perdre de vue, je comprenais trop bien qu'il avait d'autres ressources que sa paye de sergent. Parvenu en face de l'église, sur la place d'Alton, il lui prit la fantaisie de faire cirer ses souliers. « À la cire française, » dit-il en posant le pied sur la sellette, « c'est de l'œuf, entends-tu ? Suffit, mon officier, » répond l'artiste. À ce moment, Dufay perdit l'équilibre. Je crus qu'il allait tomber et m'approchai pour le soutenir. « Eh, pays, n'as-tu pas peur parce qu'il y a du roulis ? J'ai le pied marin !» En attendant, le pinceau, remué avec agilité, donnait un nouveau lustre à sa chaussure, quand elle fut complètement barbouillée de noir. « Et le coup de fion ? » dit Dufay. « Est-il pour demain ?» En même temps, il offrait un sou pour salaire. « Vous ne me faites pas riche, mon sergent. » Je crois qu'il raisonne. « Prends garde que je te fiche ma botte !» Dufay fait le geste, mais dans ce mouvement, son chapeau ébranlé tombe à terre. Chassé par le banc, il roule sur le pavé. Le décrotteur court après et le lui rapporte. « Il ne vaut pas 2 liards !» s'écrie Dufay. « N'importe, tu es un bon enfant !» Puis, fouillant dans sa poche, il en ramène une poignée de guinées. « Tiens, voilà pour boire à ma santé !»« Merci, mon colonel !» dit alors le décrotteur, qui proportionnait les titres à la générosité. « Actuellement, me dit Dufay, qui semblait peu à peu reprendre ses esprits, il faut que je te mène dans les bons endroits. J'ai été décidé à l'accompagner partout où il irait. Je venais d'être témoin de sa libéralité, et je n'ignorais pas que les ivrognes sont les gens les plus reconnaissants du monde envers les personnes qui se dévouent à leur faire compagnie. Je me laissai donc piloter suivant son désir, et nous arrivâmes dans la rue des Prêcheurs. À la porte d'une maison neuve d'une construction assez élégante, était une sentinelle et plusieurs soldats de planton. « C'est là, » me dit-il. Quoi, c'est là? Est-ce que vous me conduisez à l'état-major? L'état-major, tu veux rire? Je te dis que c'est là la belle blonde, Magdeleine. Ou, pour mieux dire, Madame 40 000 hommes, comme on l'appelle ici. Impossible pays, vous vous trompez. Je n'ai pas la verdure, peut-être, ne vois-je pas le factionnaire? Dufailly s'avança aussitôt et demande si l'on peut entrer. Retirez-vous, lui répond brusquement le maréchal des logis de dragons. Vous savez bien que ce n'est pas votre jour. Dufailly insiste. Retirez-vous, vous dis-je, reprend le sous-officier, ou je vous conduis à la place. Cette menace me fit trembler. L'obstination de Dufailly pouvait me perdre. Cependant, il n'eût pas été prudent de lui communiquer mes craintes. Ce n'était d'ailleurs pas le lieu. Je me bornai à lui faire quelques observations qu'il rétorquait toujours. Il ne connaissait rien. Je me fiche de la consigne, le soleil, lui, pour tout le monde. Liberté, égalité ou la mort, répétait-il, en se tordant pour échapper aux efforts que je faisais afin de le retenir. Égalité, te dis-je. Et dans une attitude renversée, il me regardait sous le nez avec cette fixité stupide de l'homme que l'excès des liqueurs fermentées a réduit à l'état de brute. Je désespérais d'en venir à bout lorsqu'à ce cri, aux armes, suivi de cet avis, « Canonnier, sauvez-vous! Voilà l'adjudant, voilà Bévignac !» Il se redresse tout à coup. Une douche qui descend de 50 pieds sur la tête d'un maniaque n'a pas un effet si rapide pour le rendre à son bon sens. Ce nom de Bévignac fit une singulière impression sur les militaires qui formaient tapisserie devant le rez-de-chaussée de l'habitation occupée par la belle blonde. Ils s'entre-regardaient les uns les autres sans oser, pour ainsi dire, respirer, tant ils étaient terrifiés. L'adjudant, qui était un grand homme sec, déjà sur leur tour, se mit à les compter en gesticulant avec sa canne. Jamais je n'avais vu de visage plus courroucé. Sur cette face maigre et allongée, qu'accompagnait deux ailes de pigeon sans poudre, il y avait quelque chose qui indiquait que, par habitude, M. Bévignac était en révolte ouverte contre l'indiscipline. Chez lui, la colère était passée à l'état chronique. Ses yeux étaient pleins de sang. Une horrible contraction de sa mâchoire annonça qu'il allait parler. « Trou de Dios, tout est tranquille, vous savez l'ordre. Rien que les officiers, trou de Dios, et chacun son tour. » Puis, nous apercevant et avançant sur nous la canne levée, « Eh, qu'est-ce qu'il fait ici le sergent des Bigorneaux ?» J'imaginais qu'il voulait nous frapper. « Allons, c'est rien, » poursuivit-il. « Je vois que tu es ivre, » s'adressa Dufailly. « Un coup de boisson, c'est pardonnable, mais va te coucher, ou que je te rencontre plus. »« Oui, mon commandant, » répondit Dufailly à l'exhortation, et nous redescendîmes la rue des Prêcheurs. Je n'ai pas besoin de dire quelle était la profession de la belle blonde, je l'ai suffisamment indiqué. Magdeleine la Picarde était une grande fille, âgée de 23 ans environ, remarquable par la fraîcheur de son teint autant que par la beauté de ses formes. Elle se faisait gloire de n'appartenir à personne, et par principe de conscience, elle croyait se devoir tout entière à l'armée et à l'armée tout entière. Fifre ou maréchal d'Empire, tout ce qui portait l'uniforme était également bien accueilli chez elle. Mais elle professait un grand mépris pour ce qu'elle appelait les Piquins. Il n'y avait pas un bourgeois qui pût se vanter d'avoir eu part à ses faveurs. Elle ne faisait même pas grand cas des marins, qu'elle qualifiait de cul goudronné et qu'elle rançonnait à plaisir parce qu'elle ne pouvait pas se décider à les regarder comme des soldats. Aussi disait-elle plaisamment qu'elle avait la marine pour entreteneur et la ligne pour amant. Cette fille, que j'eus l'occasion de visiter plus tard, fit longtemps les délices des camps sans que sa santé en fût altérée. On la supposait riche, mais soit que Magdeleine, comme j'ai pu m'en convaincre, ne fût pas intéressée, soit que, comme dit le proverbe, ce qui vient de la flûte s'en retourne au tambour, Magdeleine mourut en 1812 à l'hôpital d'Ardres, pauvre, mais fidèle à ses drapeaux. 2 ans de plus, et comme une autre fille très connue dans Paris, depuis le désastre de Waterloo, elle aurait la douleur de se dire veuve de la grande armée. Le souvenir de Magdeleine vit encore disséminé sur tous les points de la France, je dirais même de l'Europe, parmi les débris de nos vieilles phalanges. Elle était la contemporaine de ce temps-là, et si je n'avais pas la certitude qu'elle n'est plus, je croirais la retrouver dans la contemporaine de ce temps-ci. Toutefois, je ferai observer que Magdeleine, bien qu'elle eût les traits un peu homasses, n'avait rien d'ignoble dans la figure. La nuance de ses cheveux n'était pas de ce blond fade qui frise la filasse. Les reflets dorés de ses tresses étaient en parfaite harmonie avec le bleu tendre de ses yeux. Son nez ne se dessinait point disgracieusement dans la courbe anguleuse de la proéminence aquiline. Il y avait du messalin dans sa bouche, mais aussi quelque chose de gracieux et de franc. Et puis, Magdeleine ne faisait que son métier. Elle n'écrivait pas et ne connaissait de la police que les sergents de ville ou les gardes de nuit à qui elle payait à boire pour son repos. La satisfaction que j'éprouve après plus de 20 ans à tracer le portrait de Magdeleine m'a fait un instant oublier Dufailly. Il est bien difficile de déraciner une idée d'un cerveau troublé par les fumées du vin. Dufailly avait fourré dans sa tête de terminer la journée chez les filles. Il n'en voulut pas démordre. À peine avions-nous fait quelques pas que, regardant derrière lui, « Il est filé, me dit-il. Allons, viens ici. » Et abandonnant mon bras, il monta 3 marches pour heurter à une petite porte qui, après quelques minutes, s'entr'ouvrit afin de livrer passage à un visage de vieille femme. « Qui demandez-vous ? » « Qui nous demandons ?» répondit Dufailly. « Et non, non, non, vous ne reconnaissez plus les amis ?»« Ah, c'est vous, papa Dufailly. Il n'y a plus de place. »« Il n'y a plus de place pour les amis. Tu veux rire, la mère. C'est un plan que tu nous tires là. »« Non, faut être honnête femme. Tu sais bien, vieux coquin, que je ne demanderai pas mieux. Mais j'ai Thérèse, mon aînée, qui est en occupation avec le capitaine des guides interprètes, et Pauline, la cadette, avec le général Chamberlac. Repassez dans un quart d'heure, mes enfants. Vous serez bien sages, n'est-ce pas ? À qui dites-vous ça ? Est-ce que nous avons l'air de tapageurs ? Je ne dis pas, mes enfants, mais voyez-vous, la maison est tranquille. Jamais plus de bruit que vous n'en entendez. Aussi, c'est toujours comme il faut qu'ils viennent ici. Le général en chef, le commissaire ordonnateur, le munitionnaire général. Ce ne sont pas les pratiques qui manquent, Dieu merci. J'aurais 50 filles que je n'en serais pas embarrassé. C'est ça, une bonne mère, s'écria Dufailly. Ah ça, maman Thomas, reprit-il, en se posant sur l'œil d'une pièce d'or. Tu n'y songes pas de vouloir nous faire droguer pendant un quart d'heure. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelques petits coins ? Toujours farceur comme à son ordinaire, papa Dufailly. Il n'y a pas de mèche à lui refuser. Allons, vite, vite, entrez qu'on ne vous voit pas. Cachez-vous là, mes enfants, et Motus. Madame Thomas nous avait mis en entrepôt derrière un vieux paravent, dans une salle basse, qu'il était indispensable de traverser pour sortir. Nous n'eûmes pas le temps de perdre patience. Mademoiselle Pauline va nous trouver la première. Après avoir reconduit le général, elle dit quelques paroles à l'oreille de sa mère et s'attabla avec nous autour d'un flacon de vin du Rhin. Pauline n'avait pas encore atteint sa 15e année et déjà elle avait le teint plombé, le regard impudique, le langage ordurier, la voix rauque et le dégoût enfumé de nos courtisanes de carrefour. Cette ruine précoce m'était destinée. Ce fut à moi qu'elle prodigua ses caresses. Thérèse était mieux assortie au front chauve de mon compagnon. À qu'il tardait qu'elle fût libre. Enfin, un mouvement rapide de bottes à la hussarde, garni de leurs éperons, annonça que le cavalier prenait congé de sa belle. Dufailly, trop empressé, se lève brusquement de son siège, mais ses jambes se sont embarrassées dans son demi-espadon. Il tombe, entraînant avec lui le paravent, la table, les bouteilles et les verres. « Excusez mon capitaine, dit-il, en cherchant à se remettre debout, c'est la faute de la muraille. »« Oh, il n'y a pas d'indiscrétion !» repartit l'officier qui, bien qu'un peu confus, se prêtait de bonne grâce à le relever pendant que Pauline, Thérèse et leur mère étaient saisies d'un rire inextinguible. Dufailly, une fois sur ses pieds, le capitaine se retira, et comme la chute n'avait occasionné ni contusion ni blessure, rien n'empêcha de nous livrer à la gaieté. Je jetterai un voile sur le reste des événements de cette soirée. Nous étions dans un des bons endroits que connaissait Dufailly, tout s'y passa comme dans un mauvais lieu. Plus d'un de mes lecteurs sait à quoi s'en tenir. Qu'il me suffise de leur apprendre qu'à 1h du matin j'étais enseveli dans le plus profond sommeil, lorsque je fus subitement réveillé par un épouvantable vacarme. Sans soupçonner ce que ce pouvait être, je m'habillai en toute hâte et bientôt les cris à la garde, à l'assassin, poussés par la mère Thomas, m'avertirent que le danger approchait de nous. J'étais sans armes. Je courus aussitôt à la chambre de Dufailly pour lui demander son briquet, dont j'étais assuré de faire un meilleur usage que lui. Il était temps, le gîte venait d'être envahi par 5 ou 6 matelots de la garde, qui, le sabre en main, accouraient tumultueusement pour nous remplacer. Ces messieurs ne s'étaient promis ni plus ni moins que de nous faire sauter par la fenêtre, et comme ils menaçaient en outre de mettre tout à feu et à sang dans la maison, Madame Thomas, de sa voix aiguë, sonnait à tue-tête un tocsin d'alarme qui mit tout le quartier en émoi. Quoique je ne fusse pas homme à m'effrayer facilement, j'avoue que je ne pus me défendre d'un mouvement de crainte. La scène, quelle qu'elle fût, pouvait avoir pour moi un dénouement très fâcheux. Toutefois, j'étais résolu à faire bonne contenance. Pauline voulait à toute force que je m'enfermasse avec elle. « Mets le verrou !» me disait-elle. « Mets le verrou, je t'en supplie !» Mais le galetas dans lequel nous étions n'était pas inexpugnable. Je pouvais y être bloqué. Je préférais défendre les approches de la place plutôt que de m'opposer à y être pris comme un rat dans la souricière. Malgré les efforts de Pauline pour m'en retenir, je tentai une sortie. Bientôt, je fus emprise avec deux des assaillants. Je fonçais sur eux le long d'un étroit corridor, et j'y allais avec tant d'impétuosité qu'avant qu'ils se fussent reconnus, acculés, en rompant précipitamment, à la dernière marche d'une espèce d'échelle de meunier par laquelle ils étaient montés, ils firent la culbute en arrière et dégringolèrent jusqu'en bas, où ils s'arrêtèrent moulus et brisés. Alors Pauline, sa sœur et Dufailly, pour rendre la victoire plus décisive, lancèrent sur eux tout ce qui leur tomba sous la main, des chaises, des pots de chambre, une table de nuit, un vieux dévidoir et divers autres ustensiles de ménage. À chaque projectile qui leur arrivait, mes adversaires, étendus sur le carreau, poussaient des cris de douleur et de rage. En un instant, l'escalier fut encombré. Ce tapage nocturne ne pouvait manquer de donner l'éveil dans la place. Des gardes de nuit, des agents de police et des patrouilles s'introduisirent dans le domicile de Madame Thomas. Il y avait, je crois, plus de 50 hommes sous les armes. Il se faisait un tumulte épouvantable. Madame Thomas essayait de démontrer que sa maison était tranquille. On ne l'écoutait pas. Et ses mots, dont quelques-uns étaient très significatifs, « Emmenez cette femme !»« Allons, coquine, suis-nous !»« Allez chercher une civière !»« Empoignez-moi tout ça !» Nous arrivait du rez-de-chaussée. « Rafle général, rafle général, désarmez-les! Je vous apprendrai, tas de canailles, à faire du train !» Ces paroles, prononcées avec l'accent provincial et entremêlées de quelques interjections occitaniques, qui, de même que l'ail et le piment, sont des fruits du pays, nous firent assez connaître que l'adjudant Bévignac était à la tête de l'expédition. Dufailly ne se souciait pas de tomber en son pouvoir. Quant à moi, on sait que j'avais d'excellentes raisons pour vouloir lui échapper. « À l'escalier, bloquez le passage, à l'escalier, trou de Dios !» commandait Bévignac. Mais pendant qu'il s'époumonnait de la sorte, j'avais eu le temps d'attacher un drap à la croisée, et les obstacles qui nous séparaient de la force armée n'avaient pas encore disparu que Pauline, Thérèse, Dufailly et moi étions déjà hors d'atteinte. Cette menace « Ne vous inquiétez pas, je vous repêcherai !» que nous entendîmes de loin ne fit qu'exciter notre hilarité. Le danger était passé. Nous délibérâmes où nous irons achever la nuit. Thérèse et Pauline proposèrent de sortir de la ville et de faire une excursion pastorale dans la campagne où il y avait toujours des lits pour tout le monde. « Non, non, » dit Dufailly. « Au plus près, au Lion d'Argent, chez Boutroy. » Il fut convenu que l'on se réfugierait dans cet hôtel. M. Boutroy, bien qu'il fût heure indue, nous ouvrit avec une cordialité enchanteresse. « Eh bien, » dit-il à Dufailly, « j'ai appris que vous aviez touché votre part des prises. C'est fort bien fait à vous de venir nous voir. J'ai de l'excellent Bordeaux. Ces dames souhaitent-elles quelque chose ?»« Une chambre à deux lits, je vois ça. » En même temps, M. Boutroy, armé d'un trousseau de clés et la chandelle à la main, se mit en devoir de nous conduire à la chambre qu'il nous destinait. « Vous serez là comme chez vous. « D'abord, on ne viendra pas vous troubler. Quand on donne la pâtée au commandant d'armes, au chef militaire de la marine et à notre commissaire général de police, vous sentez qu'on n'oserait pas. Par exemple, ajouta-t-il, il y a Madame Boutroy qui ne plaisante pas. Aussi me garderai-je bien de lui dire que vous n'êtes pas seul. C'est une bonne femme, Madame Boutroy. Mais les mœurs, voyez-vous, les mœurs. Sur cet article, elle n'entend pas raison. Elle est stricte. Des femmes, ici, si elle le soupçonnait seulement, elle croirait que tout est perdu. Avec ça qu'elle a des filles. Eh mon Dieu, ne faut-il pas vivre avec les vivants? Je suis philosophe, moi, pourvu qu'il n'y ait pas de scandale. Et quand il y en aurait, chacun se divertit à sa manière. L'essentiel est que ça ne porte préjudice à personne. M. Boutroy nous débita encore bon nombre de maximes de cette force, après quoi il nous déclara que sa cave était bien fournie et qu'elle était toute à notre service. Quant à la crémaillère, ajouta-t-il, à l'heure qu'il est, elle est un peu froide. « Parce que votre seigneurie donne ses ordres et, en deux coups de temps, tout sera prêt. » Dufailly demanda du Bordeaux et du feu, quoi qu'il fît assez chaud pour que l'on pût s'en passer. On apporta le Bordeaux. 5 ou 6 grosses bûches furent jetées dans le foyer, et une ample collation s'étala devant nous. Une volaille froide occupait le centre de la table et formait la pièce de résistance d'un repas improvisé, où tout avait été calculé pour un énorme appétit. Dufailly voulait que rien ne nous manquât, et M. Boutroy, certain d'être bien payé, était de son avis. Thérèse et sa sœur dévoraient tous des yeux. Pour moi, je n'étais pas non plus en trop mauvaise disposition. Pendant que je découpais la volaille, Dufailly dégustait le bordeaux. « Délicieux, délicieux » répétait-il en le savourant en gourmet. Puis il se mit à boire à grand verre, et à peine avions-nous commencé à manger, qu'un sommeil invincible le clouait dans son fauteuil où il ronfla jusqu'au dessert comme un bienheureux. Alors il se réveille. « Diable » dit-il. « Ils vendent grand frais. Où suis-je donc? Est-ce qu'il gèlerait par hasard? Je suis tout je ne sais comment. » « Oh, il y a plus de la moitié de son pain de cuit !» s'écria Pauline, qui me tenait tête ni plus ni moins qu'à sa peur de la garde. « Il est mort dans le dos, le papa !» dit à son tour Thérèse en ouvrant une espèce de bonbonnière d'écaille dans laquelle était du tabac. « Une prise, mon ancien, ça vous éclairera la vue !» Dufailly accepta la prise, et si je mentionne cette circonstance, très peu importante en elle-même, c'est que j'oubliais de dire que la sœur de Pauline avait déjà dépassé la trentaine, et que de ce seul fait qu'elle reniflait du tabac comme un greffier ou comme un clerc de commissaire, on peut aisément tirer la conséquence qu'elle n'était plus de la première jeunesse. Quoi qu'il en soit, Dufailly en faisait ses choux gras. « Je l'aime, la petite, » s'écria-t-il quelquefois. « C'est une bonne enfant. »« Oh, tu ne m'apprends rien de neuf, » lui répondait Thérèse. « Depuis qu'il a une péniche dans la rade, il n'est pas un équipage que je n'ai passé en revue, et je défie qu'un matelot puisse me dire plus haut que mon nom. » Quand on sait se faire respecter. L'enfant dit vrai, reprenait Dufailly. Je l'aime, moi, parce qu'elle est franche. Aussi prétends-je lui faire un sort. Ah ah, un sort, s'écria Pauline en riant, puis s'adressant à moi. Et toi, tu m'en feras un de sort? La conversation allait se continuer sur ce pied, lorsque nous entendîmes venir du côté du port une troupe d'hommes bottés qui faisaient grand bruit en marchant. Vive le capitaine Paulet, criait-il. Vive le capitaine! Bientôt, cette troupe s'arrêta devant l'hôtel. « Hé, père Boutrois, père Boutrois » appelait-on coup sur coup et en même temps, les uns essayaient d'ébranler la porte, d'autres secouaient le marteau d'une force incroyable, ceux-ci se pendaient au cordon de la sonnette, ceux-là lançaient des pierres dans les volets. À ce carillon, je tressaillis. J'imaginais que notre asile allait être violée de nouveau. Pauline et sa sœur n'étaient pas trop rassurées. Enfin, l'on descend l'escalier 4 à 4, la porte s'ouvre, il semble que ce soit une digue qui vient de se briser. Le torrent se précipite, un mélange confus de voix articule des sons auxquels nous ne comprenons rien. « Pierre, Paul, Janie, Elisa, toute la maison, ma femme, lève-toi » « Ah, mon Dieu, ils dorment comme des souches !» On eût dit que le feu était à la maison. Bientôt, nous entendîmes aller venir les portes. C'est un mouvement, un bruit inconcevable, c'est une servante qui se plaint en termes grossiers d'une familiarité indécente. Ce sont des éclats d'un rire bruyant, des bouteilles s'entrechoquent. Les plats, les assiettes, les verres remués précipitamment, le tourne-broche qu'on remonte, concourt à ce charivari. L'argenterie résonne, et des jurons anglais et français, jetés pêle-mêle au milieu du vacarme, font retentir les airs. « Pays, me dit Dufailly, c'est de la joie ou je ne m'y connais pas. Qu'ont-ils donc ces matins-là, qu'ont-ils donc? Est-ce qu'ils ont enlevé les galions d'Espagne? Ce n'est pas la route pourtant !» Dufailly se creusait l'esprit pour trouver la cause de cette allégresse, sur laquelle je ne pouvais lui donner aucun éclaircissement, quand M. Boutrois, la face toute radieuse, entra pour nous demander du feu. « Vous ne savez pas, » nous dit-il, « la revanche vient de rentrer dans le port. Notre Paulet a encore fait les siennes. A-t-il du bonheur, une capture de 3 millions sous le canon de Douvres ?»« 3 millions ?» s'écria Dufailly. « Et je n'y étais pas. »« Dis donc, ma sœur, 3 millions !» s'écria de son côté Pauline, en bondissant comme un jeune chevreau. « 3 millions ?» répéta Thérèse. « Dieu que je suis contente, allons-nous en avoir ?»« Voilà bien les femmes, » reprit Dufailly, « l'intérêt avant tout. Et songez donc plutôt à votre mère, dans ce moment peut-être elle est à l'ombre. La mère, Thomas, une vieille. » Je n'ose pas répéter ici la qualification que lui donna Thérèse. « C'est joli, » observa M. Boutrois. « Une fille, des pères et mères honora, afin de vivre longuement. » « Je n'en puis pas revenir, 3 millions, » disait Dufailly. « Comptez donc ça, papa Boutrois. » Notre hôte s'excusa sur ce qu'il n'en avait pas le loisir. « D'ailleurs, ajouta-t-il, je ne sais pas, et je suis pressé. » Le tintamarre se continue. Je reconnais que l'on range des chaises. Un instant après, le silence qui se fit m'annonça que les mâchoires étaient occupées. Il était vraisemblable que la suspension du tapage serait de quelques heures. Je proposai alors à la société de se mettre dans le portefeuille. Chacun fut de mon avis, nous nous couchâmes pour la seconde fois, et comme nous touchions aux approches du jour, pour ne pas être incommodés par la lumière et récupérer à notre aise le temps perdu, nous eûmes la précaution de tirer le rideau. Le lecteur ne trouve pas mauvais que la cotonnade flambée qui devait prolonger pour nous la durée de cette nuit orageuse dérobe à ses regards les actes clandestins d'une orgie dont il ne tardera pas à connaître le dénouement. Tout ce que je puis dire, c'est que notre réveil était moins éloigné que je ne le pensais. Les marins mangent vite et boivent longtemps. Des chants à faire frémir les vitres vinrent tout à coup interrompre notre repos. 40 voix discordantes entre elles répétaient en chœur le refrain fameux de l'hymne de Roland. « Au diable, les chanteurs !» s'écria Dufailly. « Je faisais le plus beau rêve. J'étais à Toulon. Es-tu allé à Toulon, pays ?» Je répondis à Dufailly que je connaissais Toulon, mais que je ne voyais pas quel rapport il pouvait y avoir entre le plus beau rêve et cette ville. « J'étais forçat, » reprit-il. « Je venais de m'évader. » Dufailly s'aperçoit que le récit de ce songe fait sûrement une impression pénible que je n'étais pas le maître de dissimuler. « Eh bien, qu'as-tu donc, pays ? N'est-ce pas un rêve que je te raconte ? Je venais de m'évader. Ce n'est pas un mauvais rêve, je crois, pour un forçat. Mais ce n'est pas tout. Je m'étais enrôlé parmi les corsaires et j'avais de l'or gros comme moi. » Quoique je n'ai jamais été superstitieux, j'avoue que je pris le rêve de Dufailly pour une prédiction sur mon avenir. C'était peut-être un habit du ciel pour me dicter une détermination. Cependant, disais-je en moi-même, jusqu'à présent je ne vaux guère la peine que le ciel s'occupe de moi, et je ne vaux pas non plus qu'il s'en soit trop occupé. Bientôt je fis une autre réflexion. Il me passa par la tête que le vieux sergent pourrait bien avoir voulu faire une allusion. Cette idée m'attrista. Je me levai. Dufailly s'aperçut que je prenais un air plus sombre que de coutume. « Et qu'as-tu donc, pays ? » s'écria-t-il. « Il est triste comme un bonnet de nuit. Est-ce que, par hasard, on t'aurait vendu des pois qui ne veulent pas cuire ?» me dit Pauline en me saisissant brusquement par le bras, comme pour me tirer de ma rêverie. « Est-il maussade ? » observa Thérèse. « Taisez-vous, » reprit Dufailly. « Vous parlerez quand on vous le permettra. En attendant, dormez. »« Dormez, esclave, » répéta-t-il. « Et ne bougez pas, nous allons revenir. » Aussitôt, il me fit signe de le suivre. J'obéis, et il me conduisit dans une salle basse, où était le capitaine Paulet, avec les hommes de son équipage, la plupart ivres d'enthousiasme et de vin. Dès que nous parûmes, ce ne fut qu'un cri. « Voilà Dufailly ! Voilà Dufailly !»« Honneur à l'ancien !» dit Paulet. Puis offrant à mon compagnon un siège à côté de lui, « Pose-toi là, mon vieux. On a bien raison de dire que la providence est grande. « Monsieur Boutrois » appelait-il. « Monsieur Boutrois, du Bishops, comme s'il en pleuvait. »« Bah, il n'y aura pas de misère après ce temps-ci, » reprit Paulet en pressant la main de Dufailly. Depuis un moment, Paulet ne cessait pas d'avoir les yeux sur moi. « Il me semble que je te connais, » me dit-il. « Tu as déjà porté le hulot, mon cadet. » Je lui répondis que j'avais été embarqué sur le corsaire le Barras, mais que, quant à lui, je pensais ne l'avoir jamais vu. « En ce cas, nous ferons connaissance. »« Je ne sais, » ajouta-t-il. « Mais tu m'as encore l'air d'un bon chien, d'un chien à tout faire, comme on dit. »« Et les autres, n'est-ce pas qu'il a l'air d'un bon chien ? J'aime les trognes comme ça. »« Assieds-toi à ma droite, mafieux, que carrure ! En a-t-il des épaules ?»« Ce blondin fera encore un fameux péqueux de Rouget, un pêcheur d'anglais. » En achevant de prononcer ces mots, Paulet me coiffa de son bonnet rouge. « Il ne lui soit point mal à cet enfant, » remarqua-t-il avec un accent picard, dans lequel il y avait beaucoup de bienveillance. Je vis tout d'un coup que le capitaine ne serait pas fâché de me compter parmi les siens. Dufailly, qui n'avait pas encore perdu l'usage de la parole, m'exhorta vivement à profiter de l'occasion. C'était le bon conseil qu'il avait promis de me donner. Je le suivis. Il fut convenu que je ferais la course et que, dès le lendemain, on me présenterait à l'armateur, M. Chouanard, qui m'avancerait quelque argent. Il ne faut pas demander si je fus fêté par mes nouveaux camarades. Le capitaine leur avait ouvert un crédit de 1000 écus dans l'hôtel, et plusieurs d'entre eux avaient en ville des réserves dans lesquelles ils allaient puiser. Je n'avais pas encore vu pareille profusion. Rien de trop cher ni de trop recherché pour des corsaires. M. Boutrois, pour les satisfaire, fut obligé de mettre à contribution la ville et les environs. Peut-être même dépêcha-t-il des courriers afin d'alimenter cette bombance dont la durée ne devait pas se borner à un jour. Nous étions le lundi, mon compagnon n'était pas dégrisé le dimanche suivant. Quant à moi, mon estomac répondait de ma tête, elle ne reçut pas le moindre échec. Dufailly avait oublié la promesse que nous avions faite à nos particulières. Je l'en fis souvenir, et quittant un instant la société, je me rendis auprès d'elle, présumant bien qu'elle s'impatientait de ne pas nous voir revenir. Pauline était seule. Sa sœur était allée s'informer de ce qu'était devenue sa mère. Elle rentra bientôt. « Ah, malheureuse que nous sommes !» s'écria-t-elle en se jetant sur le lit, avec un mouvement de désespoir. « Eh bien, qu'y a-t-il donc ? » lui dis-je. « Nous sommes perdus !» me répondit-elle, le visage inondé de larmes. « On en a transporté deux à l'hôpital. Ils ont les reins cassés. Un garde de nuit a été blessé, et le commandant de place vient de fermer la maison. Qu'allons-nous devenir ? Où trouver un asile ?»« Un asile, lui dis-je. On vous en trouvera toujours un. Mais la mère, où est-elle ? » Thérèse m'apprit que sa mère, d'abord emmenée au violon, venait d'être conduite à la prison de la ville et qu'il était vrai qu'elle n'en serait pas quitte à bon marché. Cette nouvelle me donna de sérieuses inquiétudes. La mère Thomas allait être interrogée. Peut-être avait-elle déjà comparu au bureau de la place ou chez le commissaire général de police. Sans doute qu'elle aurait été nommée ou qu'elle nommerait Dufailly. Dufailly compromis, je l'étais aussi. Il était urgent de prévenir le coup. Je redescendis en toute hâte pour me concerter avec mon sergent sur le parti à prendre. Heureusement, il n'était pas encore hors d'état d'entendre raison. Je ne lui parlai que du danger qui le menaçait. Il me comprit, et tirant de sa ceinture une vingtaine de guinées. « Voilà, me dit-il, de quoi m'assurer du silence de la mère Thomas. » Puis, appelant un domestique de l'hôtel, il lui remit la somme en lui recommandant de la faire tenir sur le champ à la prisonnière. « C'est le fils du concierge, me dit Dufailly. Il a les pieds blancs. Il passe partout, et avec ça, c'est un garçon discret. » Le commissionnaire fut promptement de retour. Il nous raconta que la mère Thomas, interrogée deux fois, n'avait nommé personne, qu'elle avait accepté avec reconnaissance la gratification et qu'elle était bien résolue, la tête sur le billot, à ne rien dire qui pût lui porter préjudice. Ainsi, il devint clair pour moi que je n'avais rien à craindre de ce côté. « Et les filles, qu'en ferons-nous » dis-je à Dufailly. « Les filles, il n'y a qu'à les emballer pour Dunkerque. Je fais les frais du voyage. » Aussitôt, nous montons ensemble pour signifier l'ordre de ce départ. D'abord, elles parurent étonnées. Cependant, après quelques raisonnements pour leur prouver qu'il était de leur intérêt de ne pas rester plus longtemps à Boulogne, elles se décidèrent à nous faire leurs adieux. Dès le soir même, elles se mirent en route. La séparation s'opéra sans effort. Dufailly avait largement financé. Et puis, il y avait de l'espoir que nous nous reverrions. Deux montagnes ne se rencontrent pas. On sait le reste du proverbe. En effet, nous devions les retrouver plus tard, dans un musicot qu'achalandait la grande renommée du célèbre Jean Bar, dont une descendante, au sein de sa patrie même, se consacrait au plaisir des émules de son aïeul. La mère Thomas recouvra sa liberté après une détention de 6 mois. Pauline et sa sœur, ramenées dans le giron maternel, par l'amour du sol natal, reprirent leur train de vie habituel. J'ignore si elles ont fait fortune, ce ne serait pas impossible, mais faute de renseignements, je termine ici leur histoire et je continue la mienne. Paulet et les siens s'étaient à peine aperçus de notre absence. Que nous étions déjà de retour, l'on chanta, l'on but, l'on mangea, alternativement, et tout à la fois, sans désemparer, jusqu'à minuit, confondant ainsi tous les repas dans un seul. Paulet, Fleuriot, son second, étaient les héros de la fête, au physique comme au moral. Ils étaient les véritables antipodes l'un de l'autre. Le premier était un gros homme court, râblé, carré. Il avait un cou de taureau, des épaules larges, une face rebondie, et dans ses traits quelque chose du lion. Son regard était toujours ou terrible ou affectueux. Dans le combat, il était sans pitié. Partout ailleurs, il était humain, compatissant. Au moment d'un abordage, c'était un démon. Au sein de sa famille, près de sa femme et de ses enfants, sauf quelques restes de brusquerie, il avait la douceur d'un ange. Enfin, c'était un bon fermier, simple, naïf et rond comme un patriarche, impossible de reconnaître le corsaire. Une fois embarqué, il changeait tout à coup de mœurs et de langage. Il devenait rustre et grossier outre mesure. Son commandement était celui d'un despote d'Orient, bref et sans réplique. Il avait un bras et une volonté de fer, malheur à qui lui résistait. Paulet était intrépide et bon homme, sensible et brutal. Personne plus que lui n'avait de la franchise et de la loyauté. Le lieutenant de Paulet était un des êtres les plus singuliers que j'eusse rencontrés. Doué d'une constitution des plus robustes, très jeune encore, il l'avait usé dans des excès de tout genre. C'était un de ces libertins qui, à force de prendre par anticipation des acomptes sur la vie, dévorent leur capital en herbe. une tête ardente, des passions vives, une imagination exaltée, l'avait de bonne heure poussé en avant. Il ne touchait pas à sa 20e année, et le délabrement de sa poitrine, accompagné d'un dépérissement général, l'avait contraint de quitter l'arme de l'artillerie dans laquelle il était entré à 18 ans. Maintenant, ce pauvre garçon n'avait plus que le souffle. Il était effrayant de maigreur. Deux grands yeux, dont la noirceur faisait ressortir la pâleur mélancolique de son teint, étaient en apparence tout ce qui avait survécu dans ce cadavre, où respirait cependant une âme de feu. Fleuriot n'ignorait pas que ses jours étaient comptés. Les oracles de la faculté lui avaient annoncé son arrêt de mort, et la certitude de sa fin prochaine lui avait suggéré une étrange résolution. Voici ce qu'il me conta à ce sujet. « Je servais, me dit-il, dans le 5e d'artillerie légère où j'étais entré comme enrôlé volontaire. Le régiment tenait garnison à Metz. Les femmes, le manège, les travaux de nuit au polygone m'avaient mis sur les dents. J'étais sec comme un parchemin. Un matin, on sort le bout de selle, nous partons. Je tombe malade en route. On me donne un billet d'hôpital, et peu de jours après, les médecins, voyant que je crache le sang en abondance, déclarent que mes poumons sont hors d'état de s'accommoder plus longtemps des mouvements du cheval. En conséquence, on décide que je serai envoyé dans l'artillerie à pied, et à peine suis-je rétabli que la mutation proposée par les docteurs est effectuée. Je quitte un calibre pour l'autre, le petit pour le gros, le 6 pour le 12, l'éperon pour la guêtre. Je n'avais plus à penser le poulet d'Inde, mais il fallait faire valser la demoiselle sur la plateforme, embarrer, débarrer à la chèvre, rouler la brouette, piocher à l'épaulement, endosser la bricole, et pire que cela, me coller sur l'échine la valise de la ramée, cette éternelle peau de veau, qui a tué à elle seule plus de conseries que le canon de Marengo. La peau de veau me donna, comme on dit, le coup de bas. Il n'y avait plus moyen d'y résister. Je me présente à la réforme, je suis admis. Il ne s'agissait plus que de passer l'inspection du général. C'était ce gueusard de Sarrasin. Il vint à moi. Je parais qu'il est encore poitrinaire, celui-là. N'est-ce pas que tu es poitrinaire ? Phtisiaque du second degré, répond le major. C'est ça, je m'en doutais. Je le disais, ils le sont tous, épaules rapprochées, poitrine étroite, taille effilée, visage émacié. Voyons tes jambes. Il y a 4 campagnes là-dedans, continua le général, en me frappant sur le mollet. Maintenant, que veux-tu ? Ton congé, tu ne l'auras pas. D'ailleurs, ajouta-t-il, il n'y a de mort que celui qui s'arrête. Va ton train. À un autre. Je voulus parler. À un autre, répéta le général. Et tais-toi. L'inspection terminée, j'allais me jeter sur le lit de camp. Pendant que j'étais étendu sous la plume de 5 pieds, réfléchissant à la dureté du général, il me vint à la pensée que peut-être je le trouverais plus traitable si je lui étais recommandé par un de ses confrères. Mon père avait été lié avec le général Legrand. Ce dernier était au camp d'Ambleteuse. Je songeais à m'en faire un protecteur. Je le vis. Il me reçut comme le fils d'un ancien ami et me donna une lettre pour Sarrasin, chez qui il me fit accompagner par un de ses aides de camp. La recommandation était pressante. Je me croyais certain du succès. Nous arrivons ensemble au camp de gauche. Nous nous informons de la demeure du général. Un soldat nous l'enseigne. Et nous voici à la porte d'une baraque délabrée que rien ne signale comme la résidence du chef. Point de sentinelle, point d'inscription, pas même de guérite. Je heurte avec la monture de mon sabre. « Entrez !» nous crie-t-on avec l'accent et le ton de la mauvaise humeur. Une ficelle que je tire soulève un loquet de bois, et le premier objet qui frappe nos regards en pénétrant dans cet asile, c'est une couverture de laine dans laquelle, couchés côte à côte sur un peu de paille, sont enveloppés le général et son nègre. Ce fut dans cette situation qu'ils nous donnèrent audience. Sarrasin prit la lettre, et après l'avoir lue sans se déranger, il dit à l'aide de camp « Le général Legrand s'intéresse à ce jeune homme. Eh bien, que désire-t-il ? Que je le réforme ? Il n'y pense pas. » Puis, s'adressant à moi, « Tu en seras bien plus gras quand je t'aurai réformé. Oh, tu as une belle perspective dans tes foyers. Si tu es riche, mourir à petit feu par le supplice des petits soins. Si tu es pauvre, ajouter à la misère de tes parents et finir dans un hospice. Je suis médecin. Moi, c'est un boulet qu'il te faut, la guérison au bout. Si tu ne l'attrapes pas, le sac sera ton affaire, ou bien la marche et l'exercice te remettront, c'est encore une chance. Au surplus, fais comme moi, bois du chenic, cela vaut mieux que des julepes et du petit lait. » En même temps, il étendit le bras, saisit par le cou une énorme dame Jeanne qui était auprès de lui, et emplit une canette qu'il me présenta. J'eus beau m'en défendre, il me fallut avaler une grande partie du liquide qu'elle contenait. L'aide de camp ne put pas non plus se dérober à cette étrange politesse. Le général but après nous, son nègre, à qui il passa la canette, acheva ce qui restait. Il n'y avait plus d'espoir de faire évoquer la décision de laquelle j'avais appelé. Nous nous retirâmes très mécontents. L'aide de camp regagna en Bleuteuse et moi le fort Châtillon, où je rentrai plus mort que vif. Dès ce moment, je fus en proie à cette tristesse apathique qui absorbe toutes les facultés. Alors j'obtins une exemption de service. Nuit et jour, je restai couché sur le ventre, indifférent à tout ce qui se passait autour de moi. Et je crois que je serais encore dans cette position si, par une nuit d'hiver, les Anglais ne se fussent avisés de vouloir incendier la flottille. Une fatigue inconcevable, quoique je ne fisse rien, m'avait conduit à un pénible sommeil. Tout à coup, je suis réveillé en sursaut par une détonation. Je me lève, et à travers les carreaux d'une petite fenêtre, j'aperçois mille feux qui se croisent dans les airs. Ici, ce sont des traînées immenses comme l'arc-en-ciel. Ailleurs, des étoiles qui semblent bondir en rugissant. L'idée qui me vint d'abord fut celle d'un feu d'artifice. Cependant, un bruit pareil à celui des torrents qui se précipitent en cascade du haut des rochers me causa une sorte de frémissement. Par intervalles, les ténèbres faisaient place à cette lumière rougeâtre qui doit être le jour des enfers. La terre est comme embrasée. J'étais déjà agité par la fièvre. Je m'imagine que mon cerveau grossit. On bat la générale. J'entends crier aux armes. Et de la plante des pieds aux cheveux, la terreur me galope. Un véritable délire s'empare de moi. Je saute sur mes bottes. J'essaye de les mettre. Impossible, elles sont trop étroites. Mes jambes sont engagées dans les tiges. Je veux les retirer, je ne puis pas en venir à bout. Durant ces efforts, chaque seconde accroît ma peur. Enfin, tous les camarades sont habillés. Le silence qui règne autour de moi m'avertit que je suis seul, et tandis que de toutes parts on court aux pièces, sans m'inquiéter de l'incommodité de ma chaussure, je fuis en toute hâte à travers la campagne, emportant mes vêtements sous mon bras. Le lendemain, je reparus au milieu de tout mon monde, que je retrouvais vivant. Honteux d'une poltronnerie dont je m'étonnais moi-même, j'avais fabriqué un conte qui, si on eût pu le croire, m'aurait fait la réputation d'un intrépide. Malheureusement, on ne donna pas dans le paquet aussi facilement que je l'avais imaginé. Personne ne fut la dupe de mon mensonge. C'était à qui me lancerait des sarcasmes et des brocards. Je crevais dans ma peau, de dépit et de rage. Dans toute autre circonstance, je me serais battu contre toute la compagnie. Mais j'étais dans l'abattement, et ce ne fut que la nuit suivante que je recouvrais un peu d'énergie. Les Anglais avaient recommencé à bombarder la ville. Ils étaient très près de terre, leurs paroles venaient jusqu'à nous, et les projectiles des mille bouches de la côte, lancés de trop haut, ne pouvaient plus que les dépasser. On envoya sur la grève des batteries mobiles, qui, pour se rapprocher d'eux le plus possible, devaient suivre le flux et le reflux. J'ai été premier servant d'une pièce de 12. Parvenu à la dernière limite des flots, nous nous arrêtons. Au même instant, on dirige sur nous une grêle de boulets. Des obus éclatent sous nos caissons, d'autres sous le ventre des chevaux. Il est évident que malgré l'obscurité, nous sommes devenus un point de mire des Anglais. Il s'agit de riposter, on ordonne de changer d'encastrement, la manœuvre s'exécute. Le caporal de ma pièce, presque aussi troublé que je l'étais la veille, veut s'assurer si les tourillons sont passés dans l'encastrement de tir. Il y pose une main. Soudain, il jette un cri de douleur que répètent les échos du rivage. Ses doigts se sont aplatis sous 20 quintaux de bronze. On s'efforce de les dégager. La masse qui les comprime ne pèse plus sur eux, qu'ils se sont encore retenus. Il s'évanouit. Quelques gouttes de schnapps me servent à le ranimer, et je m'offre à le ramener au camp. Sans doute on crut que c'était un prétexte pour m'éloigner. Le caporal et moi nous cheminions ensemble. Au moment d'entrer dans le parc que nous devions traverser, une fusée incendiaire tombe entre deux caissons pleins de poudre. Le péril est imminent. Quelques secondes encore, le parc va sauter. En gagnant au large, je puis trouver un abri. Mais je ne sais quel changement s'est opéré en moi. La mort n'a plus rien qui m'effraie. Plus prompt que l'éclair, je m'élance sur le tube de métal d'où s'échappent le bitume et la roche enflammée. Je veux étouffer le projectile, mais ne pouvant y parvenir, je le saisis, l'emporte au loin et le dépose à terre, dans l'instant même où les grenades qu'il renferme éclatent et déchirent la tôle avec fracas. Il existait un témoin de cette action. Mes mains, mon visage, mes vêtements brûlés, les flancs déjà charbonnés d'un caisson, tout déposait de mon courage. J'aurais été fier sans un souvenir. Je n'étais que satisfait. Mes camarades ne m'accableraient plus de leurs grossières plaisanteries. Nous nous remettons en route. À peine avons-nous fait quelques pas. L'atmosphère est en feu. Sept incendies sont allumés à la fois. Le foyer de cette vive et terrible lumière est sur le port. Les ardoises pétillent à mesure que les toits sont embrasés. On croirait entendre la fusillade. Des détachements, trompés par cet effet dont ils ignorent la cause, circulent dans tous les sens pour chercher l'ennemi. Plus près de nous, à quelque distance des chantiers de la marine, des tourbillons de fumée et de flammes s'élèvent d'un chaume dont les ardents débris se dispersent au gré des vents. Des cris plaintifs viennent jusqu'à nous, c'est la voix d'un enfant. Je frémis. Il n'est plus temps, peut-être. Je me dévoue. L'enfant est sauvé, je le rends à sa mère, qui, s'étant écartée un moment, accourait et pleurait pour le secourir. Mon honneur était suffisamment réparé. On n'eût plus osé me taxer de lâcheté. Je revins à la batterie où je reçus les félicitations de tout le monde. Un chef de bataillon qui nous commandait alla jusqu'à me promettre la croix qu'il n'avait pu obtenir pour lui-même parce que depuis 30 ans qu'il servait, il avait le malheur de se trouver toujours derrière le canon et jamais en face. Je me doutais bien que je ne serais pas décoré avant lui, et grâce à ses recommandations, je ne le fus pas non plus. Quoi qu'il en soit, j'étais en train de m'illustrer, toutes les occasions étaient pour moi. Il y avait entre la France et l'Angleterre des pourparlers pour la paix. Lord Lauderdale était à Paris en qualité de plénipotentiaire, quand le télégraphe y annonça le bombardement de Boulogne. C'était le second acte de celui de Copenhague. À cette nouvelle, l'empereur, indigné d'un redoublement d'hostilité sans motif, mande le lord, lui reproche la perfidie de son cabinet, et lui enjoint de partir sur le champ. 15 heures après, Lord Lauderdale descend ici au canon d'or. C'est un Anglais. Le peuple exaspéré veut se venger sur lui. On s'attroupe, on s'ameute, on se presse sur son passage, et quand il paraît, sans respect pour l'uniforme des deux officiers qui sont sa sauvegarde, de toutes parts on fait pleuvoir sur lui des pierres et de la boue. Pâle, tremblant, défait, Lord s'attend à être sacrifié. Mais le sabre au poing, je me fais jour jusqu'à lui. « Malheur à qui le frapperait !» m'écriai-je alors. Je harangue, j'écarte la foule, et nous arrivons sur le port, où, sans être exposé à d'autres insultes, il s'embarque sur un bâtiment parlementaire. Il fut bientôt à bord de l'escadre anglaise qui, le soir même, continua de bombarder la ville. La nuit suivante, nous étions encore sur le sable. À 1 heure du matin, les Anglais, après avoir lancé quelques congrèves, suspendent leur feu. J'étais excédé de fatigue, je m'étends sur un affût et je m'endors. J'ignore combien de temps se prolongea mon sommeil, mais quand je m'éveillais, j'étais dans l'eau jusqu'au cou, tout mon sang était glacé, mes membres engourdis, ma vue, comme ma mémoire, s'était égarée. Boulogne avait changé de place, et je prenais les feux de la flottille pour ceux de l'ennemi. C'était là le commencement d'une maladie fort longue, pendant laquelle je refusais opiniâtrement d'entrer à l'hôpital. Enfin, l'époque de la convalescence arriva. Mais comme j'étais trop long à me rétablir, on me proposa de nouveau pour la réforme, et cette fois je fus congédié malgré moi, car j'étais maintenant de l'avis du général Sarrazin. Je ne voulais plus mourir dans mon lit, et m'appliquant le sens de ses paroles, « Il n'y a de mort que celui qui s'arrête », pour ne pas m'arrêter, je me jetais dans une carrière où, sans travaux trop pénibles, il y a de l'activité de toute espèce. Persuadé qu'il me restait peu de temps à vivre, je pris la résolution de bien l'employer. Je me fis corsaire. Que risquais-je? Je ne pouvais qu'être tué, et alors je perdais peu de choses. En attendant, je ne manque de rien, émotions de tous les genres, péril, plaisir, enfin je ne m'arrête pas. Le lecteur sait à présent quels hommes étaient le capitaine Paulet et son second. À peine restait-il le souffle à ce dernier, et au combat, comme partout, il était le bout en train. Parfois semblait-il absorbé dans de sombres pensées, il s'en arrachait par une brusque secousse, sa tête donnait l'impulsion à ses nerfs, et il devenait une turbulence qui ne connaissait pas de bornes. Point d'extravagance, point de saillie singulière dont il ne fut capable. Dans cette excitation factice, tout lui était possible, il eût tenté d'escalader le ciel. Je ne puis pas dire toutes les folies qu'il fit dans le premier banquet auquel Dufailly m'avait présenté. Tantôt il proposait un divertissement, tantôt un autre. Enfin, le spectacle lui passa par l'esprit. Que donne-t-on aujourd'hui ? Misanthropie et repentir. J'aime mieux les deux frères. Camarades, quittez-vous, vous pleurez. Le capitaine pleure tous les ans à sa fête. Nous autres garçons, nous n'avons pas de ces joies-là. Ce que c'est quand on est père de famille. Allez-vous quelquefois à la comédie, notre supérieur ? Il faut voir ça, il y aura foule. Tout beau monde, des pêcheuses de crevettes en robe de soie. C'est la noblesse du pays. Oh Dieu, le ciel est poignardé. Des manchettes à des cochons. N'importe, il faut la comédie à ces dames. Encore, s'ils entendaient le français. Le français, ah ben oui. Allez donc vous y faire mordre. Je me souviens du dernier bal. Des particulières, quand on les invite à danser, qui vous répondent « Je suis retinte ». Ah ça, auras-tu bientôt fini de décorner le pays ? Dit Paulet à son lieutenant, qu'aucun des corsaires n'avait interrompu. « Capitaine, reprit celui-ci, j'ai fait ma motion. Personne ne dit mot, personne ne veut pleurer. Au revoir, je vais pleurer tout seul. » Fleuriot sortit aussitôt. Alors le capitaine commença de nous faire son éloge. « C'est un cerveau brûlé, dit-il, mais pour la bravoure, il n'y a pas son pareil sous la calotte des cieux. » Puis, il poursuivit en nous racontant comment il devait à la témérité de Fleuriot la riche capture qu'il venait de faire. Le récit était animé et piquant, malgré les cuirs dont l'assaisonnait Paulet, qui avait une habitude bien bizarre, celle de fausser la liaison en prodiguant le thé toutes les fois qu'il était avec ses compagnons de bord et le S lorsque dans ses relations civiles ou dans les jours de fête, il se croyait obligé à plus d'urbanité. Ce fut avec forceté qu'il fit la description presque burlesque d'un combat dans lequel, suivant sa coutume, il avait avec la barre du cabestan assommé une douzaine d'Anglais. La soirée s'avançait. Paulet, qui n'avait pas encore revu sa femme et ses enfants, allait se retirer lorsque Romain Fleuriot. Il n'était pas seul. « Capitaine, dit-il en entrant, comment trouvez-vous le gentil matelot que je viens d'engager ?» J'espère que le bonnet rouge n'a jamais coiffé un plus joli visage. C'est vrai, répondit Paulet. Mais est-ce un mousse que tu m'amènes là ? Il n'a pas de barbe. Eh, parbleu, ajouta-t-il en élevant la voix avec surprise, c'est une femme ! Puis, continuant avec un étonnement encore plus marqué, je ne me trompe pas, c'est la Saint. Le nom était sur le point de m'échapper quand je me suis souvenu fort à propos qu'il est souvent imprudent de désigner les masques. Le mari de la femme dont il est ici question a été quelque temps le directeur d'un des théâtres de la capitale. Il est vivant, on ne blâmera pas ma discrétion. Oui, reprit Fleuriot, c'est Elisa, l'aimable moitié du directeur de la troupe qui fait les délices de Boulogne. Elle vient avec nous se réjouir de notre bonheur. Madame, parmi les corsaires, je lui en fais mon compliment. Poursuivit le capitaine en lançant à la comédienne travestie son regard du mépris qui n'est que trop expressif. Elle va entendre de belles choses. Il faut avoir le diable au corps, une femme. Allons donc, notre chef, s'écria Fleuriot. Ne dirait-on pas que des corsaires sont des cannibales ? Ils ne la mangeront pas. D'ailleurs, vous savez le refrain. Elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous. Quel mal y a-t-il à ça ? Aucun, mais la saison est propice pour la course. Tout mon équipage est en parfaite santé et il n'y a pas besoin ici de madame pour qu'il se porte bien. À ces mots, prononcés avec humeur, Elisa baissa la vue. « Cher enfant, ne rougissez pas, dit Fleuriot. Le capitaine plaisante. « Non, morbleu, je ne plaisante pas. Je me souviens de la scène Napoléon, où tout l'état-major, à commencer par le maréchal Brune, était à pied. Il n'y eut pas de petite guerre ce jour-là. Madame sait pourquoi. Ne me forcez pas à en dire davantage. » Elisa, que ce langage humiliait, n'était pas à se repentir d'avoir accompagné Fleuriot. Dans le trouble qui l'agitait, elle essayait de justifier son apparition au lion d'argent avec ses douceurs de ton, ses manières gracieuses, cette aménité de physionomie que des mœurs très licencieuses semblent exclure. Elle parlait d'admiration, de gloire, de vaillance, d'héroïsme, et afin de prendre Paulet par les sentiments, elle fit un appel à sa galanterie en le qualifiant de chevalier français. La flatterie a toujours plus ou moins d'empire sur les âmes. Paulet devint presque poli, les S lui revinrent à la bouche avec autant de profusion que s'il eût été endimanché. Il s'excusa du mieux qu'il put, obtint son pardon d'Elisa et prit congé de ses convives en leur recommandant de s'amuser. Sans doute ils ne s'ennuyèrent pas. Quant à moi, il me fut impossible de rester éveillé. Je gagnai donc mon lit, où je ne vis et n'entendis rien. Le lendemain, j'étais frais et gaillard. Fleuriot me conduisit chez l'armateur, qui, sur ma bonne mine, me fit l'avance de quelques pièces de 5 francs. 7 jours après, 8 d'entre nos camarades étaient entrés à l'hôpital. Le nom de la comédienne Saint-X avait disparu de l'affiche. On dit qu'afin de se mettre promptement en lieu sûr, elle avait profité de la chaise de poste d'un colonel qui, tourmenté du besoin de jouer jusqu'au plumet de son régiment, avait fait tout exprès le voyage de Paris. J'attendais avec impatience le moment de nous embarquer. Les pièces de 5 francs de M. Chouanard étaient comptées, et si elles me faisaient vivre, elles ne me mettaient guère à même de faire figure. D'un autre côté, tant j'étais à terre, j'avais redouté quelques fâcheuses rencontres. Boulogne était infestée d'un grand nombre de mauvais garnements. Les mansuits, les tribous, les salés tenaient des jeux sur le port où ils dépouillaient les conscrits sous la direction d'un autre bandit, le nommé Canivet, qui, à la face de l'armée et de ses chefs, osait s'intituler le bourreau des crânes. Il me semble encore voir cette légende sur son bonnet de police où était figurée une tête de mort, des fleurailles, des ossements en sautoir. Canivet était comme le fermier ou plutôt le suzerain de petits paquets, des dés, etc. C'était de lui que relevait une foule de maîtres, prévôts, bâtonnistes, tireurs de savates et autres praticiens, qui lui payaient tribut pour avoir le droit d'exercer le métier d'escroc. Il les surveillait sans cesse, et quand il les soupçonnait de quelque infidélité, d'ordinaire il les punissait par des coups d'épée. J'imaginais que dans cette lie, il était impossible qu'il n'y eût pas quelque échappé des bagnes. Je craignais une reconnaissance, et mes appréhensions étaient d'autant plus fondées que j'avais entendu dire que plusieurs forces à libérer avaient été placées soit dans le corps des sapeurs, soit dans celui des ouvriers militaires de la marine. Depuis quelque temps, on ne parlait que de meurtres, d'assassinats, de vols, et tous ces crimes présentaient les caractères auxquels on peut reconnaître l'œuvre de scélérats exercée. Peut-être, dans le nombre des brigands, s'en trouvait-il quelques-uns de ceux avec qui j'avais été lié à Toulon. Il m'importait de les fuir, car mis de nouveau en contact avec eux, j'aurais eu bien de la peine à éviter d'être compromis. On sait que les voleurs sont comme les filles. Quand on se propose d'échapper à leur société et à leurs vices, tous se liguent pour empêcher la conversion. Tous revendiquent le camarade qui renonce au mal, et c'est pour eux une espèce de gloire de le retenir dans l'état abject dont ils ne veulent ni sortir, ni laisser sortir les autres. Je me rappelais mes dénonciateurs de Lyon et les motifs qui les avaient portés à me faire arrêter. Comme l'expérience était récente, je fus disposé tout naturellement à en faire mon profit et à me mettre sur mes gardes. En conséquence, je me montrais dans les rues le plus rarement possible. Je passais presque tout mon temps à la basse ville, chez une madame Henri qui prenait des corsaires en pension et leur faisait crédit sur la perspective de leur part de prise. Madame Henri, dans la supposition où leur était mariée, était une fort jolie veuve encore très avenante, bien qu'elle approchât de ses 36 ans. Elle avait près d'elle 2 filles charmantes, qui, sans cesser d'être sages, avaient la bonté de donner des espérances à tout beau garçon que la fortune favorisait. Quiconque dépensait son or dans la maison était le bienvenu, mais celui qui dépensait le plus était toujours le plus avant dans les bonnes grâces de la mère et des filles, aussi longtemps qu'il dépensait. La main de ces demoiselles avait été promise 20 fois, 20 fois peut-être elles avaient été fiancées, et leur réputation de vertu n'en avait reçu aucun échec. Elles étaient libres dans leurs paroles, dans leur conduite elles étaient réservées, et quoiqu'elles ne se fissent pas blanches de leur innocence, personne ne pouvait se vanter de leur avoir fait un faux pas. Cependant, combien de héros de la mer avaient subi l'influence de leurs attraits? Combien de soupirants, trompés par des agaceries sans conséquence, s'étaient flattés d'une prédilection qui devait les conduire au bonheur? Et puis, comment ne pas se méprendre sur les véritables sentiments de ces chastes personnes dont l'amabilité constante avait toujours l'air d'une préférence. Le matador d'aujourd'hui était fêté, choyé. On lui prodiguait 1000 petits soins. On lui permettait certaines privautés, un baiser par exemple pris à la dérobée. On l'encourageait par des œillades. On lui donnait des conseils d'économie en poussant adroitement à la consommation. On réglait l'emploi de son argent et si les fonds baissaient, ce qui avait lieu ordinairement à son insu, ce n'était que par l'offre généreuse d'un prêt qu'il apprenait la pénurie de ses finances. Jamais on ne les conduisait. Sans témoigner ni indifférence ni tiédeur, on attendait que la nécessité et l'amour le fissent voler à de nouveaux périls. Mais à peine le navire qui emportait l'amant avait-il mis à la voile et voguait-il vers les chanceux sur lesquels était hypothéqué un hymen éventuel et une somme légère que l'on avait pris l'engagement de rendre au centuple, que déjà il était remplacé par quelque autre fortuné mortel. Si bien que dans la maison de Madame Henri, les adorateurs faisaient la navette, et que ces 2 demoiselles étaient comme 2 citadelles qui, toujours investies, toujours prêtes de se rendre, en apparence, ne succombaient jamais. Quand l'un levait le siège, l'autre le reprenait. Il y avait de l'illusion pour tout le monde, et il n'y avait que de l'illusion. Cécile, l'une des filles de Madame Henri, avait pourtant dépassé sa 20e année. Elle était enjouée, rieuse à l'excès, écoutait tout sans rougir jusqu'à la gravelure, et ne se fâchait qu'à l'attouchement. Hortense, sa sœur, ne s'en fâchait même pas. Elle était plus jeune, et son caractère était plus naïf. Parfois elle disait des choses, mais il semblait que du miel et de l'eau de fleur d'orange coulaient dans les veines de ces deux enfants, tant, en toute occasion, elles étaient douces et calmes. Dans leur cœur, il n'y avait rien d'inflammable, et quoiqu'elles ne se signassent pas par un propos leste, ou qu'elles ne s'étonnassent pas du geste un peu trop familier d'un matelot, elles n'en méritaient pas moins, assure-t-on, le surnom qu'on a donné à la bergère de Vaucouleurs, ainsi qu'à une petite ville de la Picardie. Ce fut au foyer de cette famille si recommandable que je vins m'asseoir pendant un mois avec une assiduité dont je m'étonnais moi-même, partageant mes heures entre le piquet, la gaudriole et la petite bière. Cet état d'une inaction qui me pesait cessa enfin. Paulet voulut reprendre le cours de ses exploits habituels. Nous nous mîmes en chasse. Mais les nuits n'étaient plus assez obscures et les jours étaient devenus trop longs. Toutes nos captures se réduisirent à quelques misérables bateaux de charbon et à un sloop de peu de valeur, sur lequel nous trouvâmes je ne sais plus quel lord, qui, dans l'espoir de recouvrer de l'appétit, avait entrepris avec son cuisinier une promenade maritime. On l'envoyait dépenser ses revenus et manger des truites à Verdun. La morte saison approchait, et nous n'avions presque pas fait de butin. Le capitaine était taciturne et triste comme un bonnet de nuit. Fleuriot se désespérait, il jurait, il tempêtait du matin au soir. Du soir au matin, il était dans un véritable accès de rage. Tous les hommes de l'équipage, suivant une expression fort usitée parmi les gens du peuple, se mangeaient les sangs. Je crois qu'avec des dispositions semblables, nous aurions attaqué un vaisseau à trois ponts. Il était minuit, sorti d'une petite anse auprès de Dunkerque, nous nous dirigeons vers les côtes d'Angleterre. Tout à coup, la lune, apparaissant à travers une clairière de nuages, répand sa lumière sur les flots du détroit. À peu de distance, des voiles blanchissent. C'est un brick de guerre qui sillonne la vague luisante. Paulet l'a reconnu. « Mes enfants, nous crie-t-il, il est à nous. Tout le monde à plat ventre et je vous réponds du poste. » En un instant, il nous eut conduits à l'abordage. Les Anglais se défendaient avec fureur. Une lutte terrible s'engagea sur leur pont. Fleuriot, qui, selon sa coutume, y était monté le premier, tomba au nombre des morts. Paulet fut blessé, mais il se vengea et vengea son second. Il assomma tout autour de lui. Jamais je n'ai vu une boucherie pareille. En moins de 10 minutes, nous fûmes les maîtres du bord, et le pavillon aux trois couleurs fut hissé à la place du pavillon rouge. 12 des nôtres avaient succombé dans cette action, où de part et d'autre fut déployé un égal acharnement. Entre ceux qui avaient péri était un nommé Lebel, dont la ressemblance avec moi était si frappante que journellement elle donnait lieu aux plus singulières méprises. Je me rappelais que mon sosie avait des papiers fort en règle. Parbleu, ruminai-je en moi-même. « L'occasion est belle. On ne sait pas ce qui peut arriver. Lebel va être jeté au poisson. Il n'a pas besoin de passeport, et le sien m'irait à merveille. » L'idée me paraissait excellente. Je ne craignais qu'une chose, c'était que Lebel n'eût déposé son portefeuille dans les bureaux de l'armateur. Je fus au comble de la joie en le palpant sur sa poitrine. Aussitôt, je m'en emparais sans être vu de personne, et quand on eut lancé à la mer les sacs de sable, dans lesquels, pour mieux les retenir à fond, on avait placé les cadavres, je me sentis soulagé d'un grand poids en songeant que désormais j'étais débarrassé de ce bidoc qui m'avait joué tant de mauvais tours. Cependant, je n'étais pas encore complètement rassuré. Dufailly, qui était notre capitaine d'armes, connaissait mon nom. Cette circonstance me contrariait. Pour n'avoir rien à redouter de lui, je résolus de le déterminer à me garder le secret en lui faisant une fausse confidence. Inutile précaution. J'appelle Dufailly. Je le cherche sur le brick, il n'y était pas. Je vais à bord de la Revanche, je cherche, j'appelle encore, point de réponse. Je descends de la soute aux poudres, pas de Dufailly. Qu'est-il devenu? Je monte à la cambuse, auprès d'un baril de genièvre et de quelques bouteilles, j'aperçois un corps étendu. C'est lui. Je le secoue, je le retourne. Il est noir, il est mort. Telle fut la fin de mon protecteur, une congestion cérébrale, une apoplexie foudroyante ou une asphyxie, causée par l'ivresse, avait terminé sa carrière. Depuis qu'il existait des sergents d'artillerie de marine, on n'en citait pas un qui eût bu avec autant de persévérance. Un seul trait le caractérisa. ce prince des ivrognes le racontait comme le plus beau de sa vie. C'était le jour des rois. Dufailly avait attrapé la fève. Pour honorer sa royauté, ses camarades le font asseoir sur une civière portée par 4 canonniers. C'était le pavois sur lequel on l'élevait. À chaque brancard pendaient des bidons d'eau-de-vie provenant de la distribution du matin. Juché sur cette espèce de palanquin improvisé, Dufailly faisait une pause devant chaque baraque du camp où il buvait et faisait boire aux acclamations d'usage. Ces stations furent si souvent réitérées qu'à la fin la tête lui tourna et que Sa Majesté éphémère, introduite dans une escouade, avala, presque sans la mâcher, une livre de lard qu'elle prit pour du fromage de gruyère. La substance était indigeste. Dufailly, rentré dans sa baraque, se jette sur son lit. Il éprouve des soulèvements de cœur. Il veut réprimer ses mouvements expansifs. L'éruption a lieu, la crise passe, il s'endort. Il n'est tiré de sa léthargie profonde que par le grognement d'un chien et les coups de griffe d'un chat qui, posté à proximité du cratère, se disputaient. Ô dignité de l'homme, qu'étais-tu devenu ? À celui de tableau qui ne reconnaîtrait que nul, plus que Dufailly, n'était fait pour donner des leçons de tempérance aux enfants des Spartiates. Je me suis arrêté un instant pour donner un dernier coup de pinceau à mon pays. Il n'est plus, que Dieu lui fasse la paix. Je reviens à bord du brick, où Paulet m'avait laissé avec le capitaine de prise et 5 hommes de l'équipage de la Revanche. À peine avions-nous fermé les écoutilles pour nous assurer de nos prisonniers, que nous nous rapprochâmes de la côte afin de l'allonger le plus possible jusqu'à Boulogne. Mais quelques coups de canon, tirés par les Anglais avant l'abordage, avaient appelé dans notre direction une de leurs frégates. Elle força de voile pour nous canonner, et bientôt elle fut si près de nous que ses boulets nous dépassèrent. Elle nous suivit ainsi jusqu'à la hauteur de Calais. Alors la mer devenant houleuse, et un vent impétueux chassant au rivage, nous crûmes qu'elle s'éloignerait, dans la crainte de se briser sur des récifs. Elle n'était déjà plus maîtresse de ses manœuvres. Poussée vers la terre, elle eut à lutter à la fois contre tous les éléments déchaînés. S'échouer était pour elle l'unique moyen de salut. Il ne fut pas tenté. En un clin d'œil, la frégate fut précipitée sous les feux croisés des batteries de la côte de fer, de la jetée, du fort rouge. De partout on faisait pleuvoir sur elle des bombes, des boulets ramés et des obus. Au milieu du bruit effroyable de 1000 détonations, un cri de détresse se fait entendre, et la frégate s'abîme dans les flots sans qu'il soit possible de lui porter secours. Une heure après, le jour parut. De loin en loin, soulevés par les vagues, flottaient quelques débris. Un homme et une femme s'étaient attachés sur un mât, ils agitaient un mouchoir. Nous allions doubler le cap Grenelle lorsque nous aperçûmes leurs signaux. Il me semblait que nous pouvions sauver ces malheureux. J'en fis la proposition au capitaine de prise, et sur son refus de mettre la chaloupe à notre disposition, dans l'élan d'une pitié que je n'avais pas encore ressentie, je me laissai emporter à la menace de lui faire sauter la cervelle. « Allons donc !» me dit-il avec un sourire dédaigneux et en haussant les épaules. « Le capitaine Paulet a plus d'humanité que toi. Il les a vus et ne bouge pas. C'est qu'il n'y a rien à faire. Ils sont là-bas. Nous sommes ici, avec le gros temps, chacun pour soi. Nous avons fait assez de pertes comme ça quand il n'y aurait que Fleuriot. » Cette réponse me rendit à mon sang-froid et me fit comprendre que nous courions nous-mêmes un danger plus grand que je ne le supposais. En effet, les vagues s'amoncelaient au-dessus, se jouant les goélands et les mauves qui mêlaient leurs cris aigus au sifflement de l'aquilon. À l'horizon, de plus en plus obscurci, se projetaient de longues bandes noires et rouges. L'aspect du ciel était affreux, tout annonçait une tempête. Heureusement, Paulet avait habilement calculé le temps et les distances. Nous manquâmes la passe de Boulogne, mais non loin de là, au Portel, nous trouvâmes un refuge et la sécurité du rivage. En débarquant dans cet endroit, nous vîmes couchés sur la grève les 2 infortunés que j'aurais si bien voulu secourir. Le reflux les avait apportés sans vie sur la terre étrangère, où nous devions leur donner la sépulture. C'étaient peut-être 2 amants. Je fus touché de leur sort, mais d'autres soins m'arrachèrent à mes regrets. Toute la population du village, femmes, enfants, vieillards, était accourue sur la côte. Les familles de 150 pêcheurs se livraient au désespoir à la vue de frêles embarcations que foudroyaient 6 vaisseaux de ligne anglais, dont les masses solides affrontaient la mer en courroux. Chaque spectateur, avec une anxiété qu'il est plus aisé de concevoir que de décrire, ne suivait des yeux que la barque à laquelle il s'intéressait, et selon qu'elle était submergée ou se trouvait hors de péril, c'était des cris, des pleurs, des lamentations ou des transports d'une joie extravagante. Des femmes, des filles, des mères, des épouses s'arrachaient les cheveux, déchiraient leurs vêtements, se roulaient par terre, en vomissant des imprécations et des blasphèmes. D'autres, sans croire insulter à tant de douleurs et sans songer à remercier le ciel vers lequel, l'instant d'auparavant, elle levait des mains suppliantes, dansait, chantait, et le visage encore inondé de pleurs manifestait tous les symptômes de l'allégresse la plus vive, les vœux les plus fervents, le patronage du bienheureux Saint-Nicolas, l'efficacité de son intercession, tout était oublié. Peut-être un jour plus tard allait-on s'en souvenir. Peut-être devait-il y avoir un peu de compassion pour le prochain. Mais pendant la tempête, l'égoïsme était là. On me l'avait dit, chacun pour soi.